Lettre 57e, Théophanie à Junia Marcella, Nicée, novembre 302. Si tu me promets de ne pas te moquer de moi, ma chère Junia, je comparerai mon cœur au miroir tranquille d'une eau cachée par des buissons épais, conservant dans sa profondeur l'image de la beauté du ciel. L'orage arrive, il trouble sa surface, les reflets sont détruits, ou plutôt il voltige et tournoie sur les ondes sous des formes fantastiques et trompeuses. Mais peu à peu, la tempête se calme. À l'abri des vents, l'onde reprend sa tranquillité naturelle. À peine aperçoit-on le courant qui l'entraîne. Et de nouveau, le ciel, dans toute sa beauté, et les buissons verdoyants qui croissent sur ses bords, se répètent dans sa profondeur et semblent identifiés avec elle. La même chose m'est arrivée, cher ami. Mon cœur s'est calmé de lui-même. Une image adorée s'y retrouve encore dans toute sa pureté. Ah, quel triste temps j'ai passé lorsque je croyais ne plus oser l'aimer. Lorsque je l'ai cru léger, inconstant, mon cœur se troubla, ma tête se dérangea. Je n'étais plus maîtresse d'aucune de mes pensées. Ah oui, je dois l'aimer, je dois être d'accord avec lui si je veux l'être avec moi-même. J'ai retrouvé tous mes sentiments et cet amour qui est le trésor de mon âme. Je ne le voyais plus comme jadis. L'amant de Calpurnie me paraissait un autre être que l'ami de Larissa. À présent, mon imagination me retrace ses traits, tels qu'ils étaient de tout temps gravés dans mon cœur. L'orage a passé, et le ciel se peint encore dans l'onde apaisée. Je puis actuellement tout supporter avec joie si je sais qu'il est heureux. Tu croiras peut-être que je l'ai vu, ou que j'ai appris quelque chose de lui, non, ma Junia? Je dois la tranquillité dont je jouis à présent aux souvenirs de ma jeunesse, à mes réflexions, au rapport de plusieurs circonstances, et surtout à ma parfaite estime pour lui et à mon entière confiance. Je n'ai même reçu ta lettre qu'après que le calme était déjà rentré dans mon âme. Ce qu'elle contient me donna plus de force encore, par le sentiment agréable que nos idées étaient à l'unisson. Oui, cher ami, il est complètement justifié à mes yeux. Je ne lui vois plus aucun tort, et cette persuasion me rend heureuse, quoique ma situation ne soit rien moins que digne d'envie. Des doutes sur son attachement pourraient seuls me rendre malheureuse. Aimer Agathoclès, aimer la vertu me semble la même chose. Mais si ce sentiment est absolument nécessaire à ma tranquillité, et si j'ai retrouvé la paix de l'âme, il ne s'ensuit pas de là que la Providence me destine, outre cela, un bonheur si grand que je n'ose pas même le lui demander. Oh, Junia, je n'ose penser à la félicité parfaite dont nous aurions joui s'il avait plu à Dieu de nous unir. Elle eût sans doute été trop grande pour cette vie. C'est dans cette idée surtout que je trouve la force de renoncer à ce qui ne doit pas être mon partage ici-bas. Qu'ai-je fait pour oser prétendre que le paradis me soit accordé déjà sur cette terre? Mon projet de rester inconnu est donc toujours le même. Peut-être que les nouvelles que j'ai reçues, mes réflexions et les conseils des lieux d'or y ont contribué. Je vais tâcher de te détailler ma position aussi clairement que je la sens. Mais il est difficile, je le sais, d'exprimer ses pensées et de persuader la personne à qui l'on écrit de la réalité de ses sensations. Te rappelles-tu un homme dont je crois t'avoir déjà parlé, qui se nomme Marcius Alpinus? C'est celui qui fut destiné à remplacer Démétrius dans le commandement de l'armée. Ce dernier voulut partir avant l'arrivée de son successeur. Il me connaît donc aussi peu que je le connais moi-même, et il ne se goûte guère que je sois la veuve du brave général qui l'a supplanté. Mais il connaît tous ceux qui demeurent à Nicomédie et qui vivent à la cour, et beaucoup, surtout le proconsul Lucius Pison et sa fille. Si je ne me trompe, les charmes de Calpurnie avaient produit sur lui leur effet accoutumé, mais cette impression a glissé légèrement sur son cœur, comme cela arrive ordinairement aux âmes communes. Un autre caractère des âmes de cette trempe est l'indiscrétion. J'ai appris par lui, au moyen de quelques questions adroites, que la liaison d'Agathoclès et de Calpurnie n'est plus un mystère, et que l'on regarde leur mariage comme une chose décidée. Il est déjà reçu comme un fils par le proconsul. Comment voudrais-tu, Junia, que j'eusse le courage de me montrer? Ne serait-il pas possible qu'à présent Agathoclès fût plus effrayé que touché? Par délicatesse et grandeur d'âme, il voudrait peut-être rompre le lien qui l'aurait rendu heureux, et reprendre une chaîne qui lui est devenue étrangère et qui ne serait peut-être plus pour lui qu'un fardeau. Pourrais-je être heureuse avec cette crainte? Non, Junia, puisqu'il m'a crue morte et qu'il s'est enfin consolé et accoutumé à cette idée, il vaut bien mieux qu'il n'ignore à jamais que j'existe encore. Je lui épargne ainsi mille sensations pénibles, la confusion, le repentir, l'embarras du choix, la crainte de me blesser à mort en m'abandonnant, ou de me garder une fidélité fatigante, qui me rendrait plus malheureuse encore que son changement. Je suis donc fermement résolu de suivre mon plan, et d'après cette résolution, il m'est impossible d'accepter ce que tu m'offres avec tant d'amitié, et d'aller demeurer près de toi à Apamé. Tout le monde me connaît dans cette ville et je ne pourrais y vivre inconnu sous le nom de Théophanie. Je dois donc renoncer à ce bonheur, comme à tant d'autres. Je dois dire, comme je l'ai fait si souvent, « Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris, que son saint nom soit loué. » Ah, si je n'avais pas cette résignation, pourrais-je supporter mon sort, renoncer à tout ce qui m'attachait à la vie, ne plus revoir ni Agathoclès, ni Junia, et ne pas tomber dans le désespoir? Il faut pour cela le secours immédiat de Dieu et les effets de sa grâce que j'implore sans cesse. Priez et il vous sera donné. Oui, Dieu m'a donné non pas ce que je croyais, par erreur peut-être, le parfait bonheur, mais ce dont j'ai besoin pour ne pas succomber, la patience, la force et la paix. Hélas, je ne l'obtiens pas encore dans tous les moments. Il en est où le passé se retrace avec tant de vivacité à mon imagination que je sens que mon cœur se déchire et que mon esprit est prêt de se troubler de nouveau. Je me retrace aussi les espérances mensongères auxquelles je livrais mon cœur en revenant dans ma patrie. Je vois Fulvia, l'heureuse compagne de Lysias. Je suis témoin d'une union fondée sur l'amour et sur une estime réciproque. Je les vois heureux dans tous les moments de leur vie, parce que l'amour, la fidélité, des soins mutuels, le charme d'une existence en commun se répand sur toutes leurs occupations. Je me dis que tel aurait été mon sort en devenant la compagne de mon Agathoclès. Alors, Junia, il faut une force plus qu'humaine pour ne pas tomber dans le désespoir. Ma seule ressource est la prière. J'y emploie la plus grande partie des nuits et pendant le jour, les sages réflexions d'Héliodore sur le néant du monde, sur la glorieuse éternité, sur les moyens de l'obtenir, me sont d'un grand secours. Il m'élève au-dessus de moi-même. Il me prêche par son exemple, lui qui triomphe de toutes les passions et dévoue sa vie entière au bien de l'humanité. Lui pour qui le compatriote, le parent, n'est pas plus qu'un sauvage, pour lequel il est prêt à exposer sa vie au plus grand danger. Il me montre ainsi mes devoirs sous le point de vue le plus clair et le plus noble. La force de sa raison et de son éloquence m'entraîne en me faisant souffrir et fortifie ma volonté et mon courage. Et moi aussi, je dois sacrifier bien plus que ma vie au bonheur d'un ami. J'ai écrit à Sulpici en défigurant mon écriture de manière qu'elle est absolument méconnaissable pour me mettre à l'abri d'une découverte. Je veux me conserver ce moyen d'avoir de temps en temps des nouvelles d'Agathoclès. Elle m'a répondu comme je m'y attendais, sans que cela ait rien changé à ma résolution. Pauvre Sulpici, chaque mot de sa touchante lettre prouve combien elle est malheureuse et qu'elle ne croit plus être aimée de celui qu'elle adore uniquement et à qui elle a tout sacrifié. Héliodore a donc raison lorsqu'il me dit sans cesse que l'amour est un poison dévorant qui corrompt l'âme et détruit à jamais la paix et le bonheur. Hélas, pendant longtemps je l'ai cru la source des vertus et de la félicité. Combien je me trompais. Je vais bientôt écrire encore à ma nouvelle amie pour qu'elle obtienne de Calpurnie de me donner le dessin où Agathoclès reçoit d'elle la couronne. Il me donnera à chaque instant la conviction de mon malheur et des droits de Calpurnie. Mais c'est le portrait d'Agathoclès et je veux conserver son image belle et pure comme je me la représente à ce moment. Ah, pourquoi faut-il que je sois obligé de mendier ce bienfait à ma rivale? Ah, Junia, Junia! Quand ils seront une fois mariés, ce dont Sulpici et Marcius Alpinus sont persuadés, peut-être qu'ils quitteront l'Asie. Alors, si son souvenir est entièrement déraciné de mon cœur, si je suis digne de vivre avec ma Junia, j'irai à toi. Je t'appartiendrai jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de finir ma triste vie. Tu me cacheras à l'ombre dans ta maison, tu me confieras une partie de tes occupations domestiques. J'aurai soin de l'éducation de tes enfants et de tes petits-enfants. Je tâcherai qu'ils puissent embellir ta vie jusqu'à l'âge le plus reculé. Mon existence ne sera pas au moins sans utilité, et lorsque Dieu m'appellera à lui dans sa bonté, je quitterai ce monde avec le sentiment si doux d'avoir été quelque chose pour un de mes semblables, d'avoir contribué au bonheur de quelqu'un. Ah, sans cela, que serait la vie ?